La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 1er, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile, Edmond, Cesset, livre 4e, à qui est due la grandeur des Romains. Chapitre 17. Si, en supposant Jupiter tout-puissant, la victoire doit être tenue pour déesse. Dira-t-on que c'est Jupiter qui envoie la victoire, et que cette déesse, étant obligée d'obéir au roi des dieux, va trouver ceux qui lui désignent et se range de leur côté? Cela aurait un sens raisonnable si, au lieu de Jupiter, roi tout imaginaire, il s'agissait du véritable roi des siècles, lequel envoie son ange, et non la victoire, qui n'est pas un être réel, pour distribuer à qui il lui plaît le triomphe ou le revers selon les conseils quelquefois mystérieux, jamais injustes, de sa providence. Mais si l'on voit dans la victoire une déesse, pourquoi le triomphe ne serait-il pas un dieu, et que n'en fait-on le mari de la victoire, ou son frère, ou son fils? En général, les idées que les païens se sont formées des dieux sont telles que si je les trouvais dans les poètes et si je voulais les discuter sérieusement, mes adversaires ne manqueraient pas de me dire que ce sont là des fictions poétiques dont il faut rire au lieu de les prendre au pied de la lettre, et cependant ils ne riaient pas d'eux-mêmes, quand ils allaient, non pas lire dans les poètes, mais consacrer dans les temples ces traditions insensées. C'est donc à Jupiter qu'il devait demander toutes choses, c'est à lui seul qu'il fallait s'adresser, car, supposer que la victoire soit une déesse, mais une déesse soumise à un roi, de quelque côté qu'il l'eût envoyée, on ne peut admettre qu'elle eût osé lui désobéir. Chapitre 18. Si les païens ont eu quelque raison de faire de déesse de la félicité et de la fortune, n'a-t-on pas fait aussi une déesse de la félicité? Ne lui a-t-on pas construit un temple, dressé un autel, offert des sacrifices? Il fallait au moins s'en tenir à elle, car où elle se trouve, quel bien peut manquer? Mais non, la fortune a obtenu comme elle le rend et les honneurs divins. Y a-t-il donc quelque différence entre la fortune et la félicité? On dira que la fortune peut être mauvaise, tandis que la félicité, si elle était mauvaise, ne serait plus la félicité. Mais tous les dieux, de quelque sexe qu'ils soient, si toutefois ils ont un sexe, ne doivent-ils pas être réputés également bons? C'était du moins le sentiment de Platon et des autres philosophes, aussi bien que des plus excellents législateurs. Comment donc se fait-il que la fortune soit tantôt bonne et tantôt mauvaise? Serait-ce par hasard que, lorsqu'elle devient mauvaise, elle cesse d'être déesse, et se change tout d'un coup en un pernicieux démon? Combien y a-t-il donc de fortune? Si vous considérez un certain nombre d'hommes fortunés, voilà l'ouvrage de la bonne fortune, et puisqu'il existe en même temps plusieurs hommes infortunés, c'est évidemment le fait de la mauvaise fortune. Or, comment une seule et même fortune serait-elle à la fois bonne et mauvaise, bonne pour ceux-ci, mauvaise pour ceux-là? La question est de savoir si celle qui est déesse est toujours bonne. Si vous dites oui, elle se confond avec la félicité. Pourquoi alors lui donner deux noms différents? Mais passons sur cela, car il n'est pas fort extraordinaire qu'une même chose porte deux noms. Je me borne à demander pourquoi deux temples, deux cultes, deux autels? Cela vient, disent-ils, de ce que la félicité est la déesse qui se donne à ceux qui l'ont méritée, tandis que la fortune arrive aux bons et aux méchants d'une manière fortuite, et c'est de là même qu'elle tire son nom. Mais comment la fortune est-elle bonne, si elle se donne aux bons et aux méchants sans discernement? Et pourquoi la servir, si elle s'offre à tous, se jetant comme une aveugle sur le premier venu, et souvent même abandonnant ceux qui la servent pour s'attacher à ceux qui la méprisent, que si ceux qui l'adorent se flattent, par leurs hommages, de fixer son attention et ses faveurs, elle a donc égard au mérite et n'arrive pas fortuitement. Mais alors que devient la définition de la fortune, et comment peut-on dire qu'elle se nomme ainsi parce qu'elle arrive fortuitement? De deux choses l'une, ou il est inutile de la servir, si elle est vraiment la fortune, ou si elle sait discerner ceux qui l'adorent, elle n'est plus la fortune. Est-il vrai aussi que Jupiter l'envoie où il lui plaît? Si cela est, qu'on ne serve donc que Jupiter, la fortune étant incapable de résister à ses ordres et devant aller où il l'envoie. Ou du moins qu'elle n'ait pour adorateur que les méchants et ceux qui ne veulent rien faire pour mériter et obtenir les dons de la félicité. Chapitre 19. De la fortune féminine. Les païens ont tant de respect pour cette prétendue déesse fortune, qu'ils ont très soigneusement conservé une tradition suivant laquelle la statue, érigée en son honneur par les matrones romaines sous le nom de fortune féminine, aurait parlé et dit plusieurs fois que cet hommage lui était agréable. Le fait serait-il vrai, on ne devrait pas être fort surpris, car il est facile aux démons de tromper les hommes. Mais ce qui aurait dû ouvrir les yeux aux païens, c'est que la déesse qui a parlé est celle qui se donne au hasard, et non celle qui a égard au mérite. La fortune a parlé, dit-on, mais la félicité est restée muette. Pourquoi cela, je vous prie, sinon pour que les hommes se missent peu en peine de bien vivre, assurés qu'ils étaient de la protection de la déesse aux aveugles faveurs? Et en vérité, si la fortune a parlé, mieux eût valu que ce fût la fortune virile que la fortune féminine, afin de ne pas laisser croire que ce grand miracle n'est en réalité qu'un bavardage de matrone. Plutarque, de la fortune des Romains, assure qu'il y avait à Rome un temple dédié par le roi Ancus Marcius à la fortune virile, voir aussi, Ovide, Faste, livre 4. Extrait. Apprenez maintenant pourquoi vous offrez de l'encens à la fortune virile, au lieu qu'arrose des sources chaudes. C'est là que toutes les femmes, déposant les voiles qui les couvrent, mettent à nu les défauts de leur corps. Elles offrent un peu d'encens, et, d'humbles prières à la fortune virile, la déesse rend ses défauts invisibles, et les dérobe au regard des hommes. Chapitre 20. De la vertu et de la foi, que les païens ont honoré comme des déesses par des temples et des autels, oubliant qu'il y a beaucoup d'autres vertus qui ont le même droit à être tenues pour des divinités. Ils ont fait une déesse de la vertu, et certes, s'il existait une telle divinité, je conviens qu'elle serait préférable à beaucoup d'autres. Mais comme la vertu est un don de Dieu, et non une déesse, ne la demandons qu'à celui qui seul peut la donner, et toute la tour des faux dieux s'évanouira. Pourquoi aussi ont-ils fait de la foi une déesse, et lui ont-ils consacré un temple et un autel? L'autel de la foi est dans le cœur de quiconque est assez éclairé pour la posséder. D'où savent-ils d'ailleurs ce que c'est que la foi, dont le meilleur et le principal ouvrage est de faire croire au vrai Dieu? Et puis le culte de la vertu ne suffisait-il pas? La foi n'est-elle pas où est la vertu? De même n'ont-ils pas divisé la vertu en quatre espèces? La prudence, la justice, la force et la tempérance? Cette classification des vertus est de Platon. Or, la foi fait partie de la justice, surtout parmi nous qui savons que, le juste vit de la foi. Habacuc 2, 4. Mais je m'étonne que des gens si disposés à multiplier les dieux, et qui faisait une déesse de la foi, et cruellement offensait plusieurs déesses en négligeant de diviniser toutes les autres vertus. La tempérance, par exemple, n'a-t-elle pas mérité d'être une déesse, ayant procuré tant de gloire à quelques-uns des plus illustres romains? Pourquoi la force n'a-t-elle pas des autels, elle qui assura la main de Mucius s'évola sur le brasier ardent, elle qui précipita Curtius dans un gouffre pour le bien de la patrie, elle enfin qui inspira aux deux Décius de dévouer leur vie au salut de l'armée? Si toutefois il est vrai que ces Romains eussent la force véritable, ce que nous n'avons pas à examiner présentement. Qui empêche aussi que la sagesse et la prudence ne figurent au rang des déesses? Dira-t-on qu'en honorant la vertu en général, on honore toutes ces vertus? À ce compte, on pourrait donc aussi n'adorer qu'un seul Dieu, si on croit que tous les dieux ne sont que des parties du Dieu suprême. Enfin, la vertu comprend aussi la foi et la chasteté, qui ont été jugées dignes d'avoir leurs autels propres dans des temples séparés. Chapitre 21. Les païens, n'ayant pas la connaissance des dons de Dieu, auraient dû se borner au culte de la vertu et de la félicité. Disons-le nettement, toutes ces déesses ne sont pas filles de la vérité, mais de la vanité. Dans le fait, les vertus sont des dons du vrai Dieu, et non pas des déesses. D'ailleurs, quand on possède la vertu et la félicité, qu'y a-t-il à souhaiter de plus, et quel objet pourrait suffire à qui ne suffise pas la vertu, qui embrasse tout ce qu'on doit faire, et la félicité, qui renferme tout ce qu'on peut désirer? Si les Romains adoraient Jupiter pour en obtenir ces deux grands biens, car le maintien d'un empire et son accroissement, supposés que ce soit des biens, sont compris dans la félicité, comment n'ont-ils pas vu que la félicité, aussi bien que la vertu, est un don de Dieu, et non pas une déesse? Ou si on voulait y voir des divinités, pourquoi ne pas s'en contenter, sans recourir à un si grand nombre d'autres dieux, car enfin rassembler par la pensée toutes les attributions qu'il leur a plu de partager entre tous les dieux et toutes les déesses? Je demande s'il est possible de découvrir un bien quelconque qu'une divinité puisse donner à qui posséderait la vertu et la félicité. Quelle science aurait-il à demander à Mercure et à Minerve? Du moment que la vertu contient en soi toutes les sciences, suivant la définition des anciens, qui entendaient par vertu l'art de bien vivre, et faisaient venir le mot latin, ars, du mot grec, arete, qui signifie vertu? Si la vertu suppose de l'esprit, qu'était-il besoin du père Cassius, divinité chargée de rendre les hommes fins et avisés? Le dieu Cassius, dit le texte, rend les hommes, kati, c'est-à-dire fins. La félicité pouvant aussi d'ailleurs leur procurer cet avantage car un être spirituel est une chose heureuse. Et c'est pourquoi ceux qui n'étaient pas encore nés, ne pouvant servir la félicité pour en obtenir de l'esprit, le culte que lui rendaient leurs parents devait suppléer à ce défaut. Quelle nécessité pour les femmes en couche d'invoquer Lucine, quand, avec l'assistance de la félicité, elles pouvaient non seulement accoucher heureusement, mais encore mettre au monde des enfants bien partagés. Était-il besoin de recommander à la déesse Opis l'enfant qui naît, au dieu Vaticanus l'enfant qui vagit, à la déesse Cunina l'enfant au berceau, à la déesse Rumina l'enfant qui tète? Au dieu Statilinus les gens qui sont debout, à la déesse Adéona ceux qui nous abordent, à la déesse Abéona ceux qui s'en vont? Pourquoi fallait-il s'adresser à la déesse Mens pour être intelligent, au dieu Volumnus et à la déesse Volumna pour posséder le bon vouloir, au dieu des noces pour se bien marier, au dieu des champs et surtout à la déesse Fructosea pour avoir une bonne récolte? à Mars et à Bellone pour réussir à la guerre, à la déesse Victoire pour être victorieux, au dieu Onos pour avoir des honneurs, à la déesse Pécunia pour devenir riche, enfin au dieu Asculanus et à son fils Argentinus pour avoir force cuivre et force argent. On sait que le nom de la déesse Mance signifie intelligence, que Pécunia veut dire monnaie, richesse. Au fait, la monnaie d'argent a été précédée par la monnaie de cuivre, et ce qui m'étonne, c'est qu'Argentinus n'est pas à son tour engendré Orinus, puisque la monnaie d'or est venue après. Si ce dieu eût existé, il est à croire qu'il l'aurait préféré à son père Argentinus et à son grand-père Asculanus, comme ils ont préféré Jupiter à Saturne. Encore une fois, qu'était-il nécessaire, pour obtenir les biens de l'âme ou ceux du corps, ou les biens extérieurs, d'adorer et d'invoquer cette foule de dieux que je n'ai pas tous nommés, et que les païens eux-mêmes n'ont pu diviser et multiplier à l'égal de leurs besoins, alors que la déesse Félicité pouvait si aisément les résumer tous? Et non seulement elle seule suffisait pour obtenir tous les biens, mais aussi pour éviter tous les maux, car à quoi bon invoquer la déesse Fessonia contre la fatigue, la déesse Pélonia pour expulser l'ennemi, Apollon ou Esculape contre les maladies, ou ces deux médecins ensemble, quand le cas était grave, à quoi bon enfin le dieu Spiniensis pour arracher les épines des champs, et la déesse Rubigo pour écarter la nielle? La seule Félicité, par sa présence et sa protection, pouvait détourner ou dissiper tous ces maux. Enfin, puisque nous traitons ici de la vertu et de la félicité, si la félicité est la récompense de la vertu, ce n'est donc pas une déesse, mais un don de Dieu? Ou si c'est une déesse, pourquoi ne dit-on pas que c'est elle aussi qui donne la vertu, puisqu'être vertueux est une grande félicité? Chapitre 22. De la science qui apprend à servir les dieux, science que Varron se glorifie d'avoir apporté aux Romains. Quel est donc ce grand service que Varron se vante d'avoir rendu à ses concitoyens, en leur enseignant non seulement quel dieu ils doivent honorer, mais encore quelle est la fonction propre de chaque divinité? Comme il ne sert de rien, dit-il, de connaître un médecin de nom et de visage, si l'on ne sait pas qu'il est médecin, de même il est inutile de savoir qu'Esculape est un dieu, si l'on ignore qu'il guérit les maladies, et à quelle fin on peut avoir à l'implorer. Varron insiste encore sur cette pensée à l'aide d'une nouvelle comparaison. On ne peut vivre agréablement, dit-il, et même on ne peut pas vivre du tout, si l'on ignore ce que c'est qu'un forgeron, un boulanger, un couvreur, en un mot tout artisan à qui on peut avoir à demander un ustensile, ou encore si l'on ne sait où s'adresser pour un guide, pour un aide, pour un maître. De même la connaissance des dieux n'est utile qu'à condition de savoir quelle est pour chaque divinité la faculté, la puissance, la fonction qui lui sont propres. Et il ajoute, par ce moyen nous pouvons apprendre quel dieu il faut appeler et invoquer dans chaque cas particulier, et nous n'irons pas faire comme les baladins, qui demandent de l'eau à Bacchus et aux nymphes du vin. Oui certes, Varron a raison, voilà une science très utile, et il n'y a personne qui ne lui rendit grâce, si sa théologie était conforme à la vérité, c'est-à-dire s'il apprenait aux hommes à adorer le Dieu unique et véritable, source de tous les biens. Chapitre 23. Les Romains sont restés longtemps sans adorer la félicité, bien qu'ils adorassent un très grand nombre de divinités, et que celle-ci dût leur tenir lieu de toutes les autres. Mais revenons à la question. Et supposons que les livres et le culte des païens soient fondés sur la vérité, et que la félicité soit une déesse, Pourquoi ne l'ont-ils pas exclusivement adorée, elle qui pouvait tout donner rendre l'homme parfaitement heureux? Car enfin on ne peut désirer autre chose que le bonheur. Pourquoi ont-ils attendu si tard, après tant de chefs illustres, et jusqu'à Lucullus, pour leur élever des autels? Pourquoi Romulus, qui voulait fonder une cité heureuse, n'a-t-il pas consacré un temple à cette divinité, de préférence à toutes les autres qu'il pouvait se dispenser d'invoquer, puisque rien ne lui aurait manqué avec elle? En effet, sans son assistance il n'aurait pas été roi, ni placé ensuite au rang des dieux. Pourquoi donc a-t-il donné pour dieu aux Romains Janus, Jupiter, Mars, Picus, Faunus, Tiberinus, Hercule? Quelle nécessité que Titus Tatius y ait ajouté Saturne, Ops, le soleil, la lune, Vulcain, la lumière, et je ne sais combien d'autres, jusqu'à la déesse Cloacine, en même temps qu'il oubliait la félicité? D'où vient que Numa a également négligé cette divinité, lui qui a introduit tant de dieux et tant de déesses? Serait-ce qu'il n'a pu la découvrir dans la foule? Certes, si le roi Hostilius l'eût connu et adoré, il n'eût pas élevé des autels à la peur et à la pâleur. En présence de la félicité, la peur et la pâleur eussent disparu, je ne dis pas apaisées, mais mises en fuite. Au surplus, comment se fait-il que l'Empire romain eût déjà pris de vastes accroissements, avant que personne adorât encore la félicité? Serait-ce pour cela qu'il était plus vaste qu'heureux? Car comment la félicité véritable se fût-elle trouvée où la véritable piété n'était pas? Or, la piété, c'est le culte sincère du vrai Dieu, et non l'adoration de divinités fausses qui sont autant de démons. Mais depuis même que la félicité eût été reçue au nombre des dieux, cela n'empêcha pas les guerres civiles d'éclater. Serait-ce par hasard qu'elle fut justement indignée d'avoir reçu si tardivement des honneurs qui devenaient une sorte d'injure, étant partagée avec Priapa et Cloacine, avec la peur, la pâleur et la fièvre, et tant d'autres idoles moins faites pour être adorées que pour perdre leurs adorateurs? Si l'on voulait après tout associer une si grande déesse à une troupe si méprisable, que ne lui rendait-on tout au moins des honneurs plus distingués? Est-ce une chose supportable que la félicité n'ait été admise ni parmi les dieux consentesse, qui composent, dit-on, le conseil de Jupiter, ni parmi les dieux qu'on appelle choisissent, qu'on ne lui ait pas élevé quelque temple qui se fit remarquer par la hauteur de sa situation et par la magnificence de son architecture? Pourquoi même n'aurait-on pas fait plus pour elle que pour Jupiter? Car si Jupiter occupe le trône, c'est la félicité qui le lui a donné. Je suppose, il est vrai, qu'en possédant le trône il a possédé la félicité, mais la félicité vaut encore mieux qu'un trône, car vous trouverez sans peine un homme à qui la royauté fasse peur. Vous n'en trouverez pas qui refuse la félicité. Que l'on demande aux dieux eux-mêmes, par les augures ou autrement, s'ils voudraient céder leur place à la félicité, au cas où leur temple ne laisserait pas assez d'espace pour lui élever un édifice digne d'elle. Je ne doute point que Jupiter en personne ne lui abandonna sans résistance les hauteurs du Capitole, car nul ne peut résister à la félicité, à moins qu'il ne désire être malheureux, ce qui est impossible. Assurément donc, Jupiter n'en userait pas comme firent à son égard les dieux, Mars et Terme et la déesse Juventas, qui refusèrent nettement de lui céder la place, bien qu'il soit leur ancien et leur roi. On lit, en effet, dans les historiens romains, que Tarquin, lorsqu'il voulut bâtir le Capitole en l'honneur de Jupiter, Voyant la place la plus convenable occupée par plusieurs autres dieux, et n'osant en disposer sans leur agrément, mais persuadé en même temps que ces dieux ne feraient pas difficulté de se déplacer pour un dieu de cette importance et qui était leur roi, sans qui par les augures de leur disposition, tous consentirent à se retirer, excepté ceux que j'ai déjà dit, Mars, Thermes et Juventas, de sorte que ces trois divinités furent admises dans le Capitole, mais sous des représentations si obscures qu'à peine les plus doctes savaient les y découvrir. Je dis donc que Jupiter n'eut pas agi de cette façon, ni traité la félicité comme il fut traité lui-même par Mars, Thermes et Juventas, mais assurément ces divinités mêmes, qui résistèrent à Jupiter, n'eussent pas résisté à la félicité, qui leur a donné Jupiter pour roi, ou si elles lui eussent résisté, c'eût été moins par mépris que par le désir de garder une place obscure dans le temple de la félicité, plutôt que de briller sans elle dans des sanctuaires particuliers. Supposons donc la félicité établie dans un lieu vaste et éminent. Tous les citoyens sauraient alors où doivent s'adresser leurs vœux légitimes. Secondés par l'inspiration de la nature, ils abandonneraient cette multitude inutile de divinités, de sorte que le temple de la félicité serait désormais le seul fréquenté par tous ceux qui veulent être heureux, c'est-à-dire par tout le monde, et qu'on ne demanderait plus la félicité qu'à la félicité elle-même, au lieu de la demander à tous les dieux. Et en effet, que demande-t-on autre chose à quelque dieu que ce soit, sinon la félicité ou ce qu'on croit pouvoir y contribuer? Si donc il dépend de la félicité de se donner à qui bon lui semble, ce dont on ne peut douter qu'en doutant qu'elle soit déesse, n'est-ce pas une folie de demander la félicité à toute autre divinité, quand on peut l'obtenir d'elle-même? Ainsi donc il est prouvé qu'on devait lui donner une place éminente et la mettre au-dessus de tous les dieux. Si j'en crois une tradition consignée dans les livres des païens, les anciens romains avaient en plus grand honneur je ne sais quel dieu Sumanus, à qui ils attribuaient les foudres de la nuit, que Jupiter lui-même, qui ne présidait qu'aux foudres du jour. Mais depuis qu'on eut élevé à Jupiter un temple superbe et un lieu éminent, la beauté et la magnificence de l'édifice attirèrent tellement la foule, qu'à peine aujourd'hui se trouverait-il un homme, je ne dis pas qui ait entendu parler du dieu Sumanus, car il y a longtemps qu'on n'en parle plus, mais qui se souvienne même d'avoir jamais lu son nom. Concluons que la félicité n'étant pas une déesse, mais un don de Dieu, il ne reste qu'à se tourner vers celui qui seul peut la donner, et à laisser là cette multitude de faux dieux adorés par une multitude d'hommes insensés, qui travestissent en Dieu les dons de Dieu et offensent par l'obstination d'une volonté superbe le dispensateur de ces dons. Il ne peut manquer en effet d'être malheureux celui qui sert la félicité comme une déesse et abandonne Dieu, principe de la félicité, semblable à un homme qui lécherait du pain en peinture, au lieu de s'adresser à qui possède du pain véritable. Chapitre 24. Quelles raisons font valoir les païens pour se justifier d'adorer les dons divins comme des dieux? Voyons maintenant les raisons des païens. Peut-on croire, disent-ils, que nos ancêtres eussent assez peu de sens pour ignorer que la félicité et la vertu sont des dons divins et non des dieux, mais comme ils savaient aussi que nul ne peut posséder ces dons à moins de les tenir de quelque dieu, faute de connaître les noms des dieux qui président aux divers objets qu'on peut désirer, ils les appelaient du nom de ces objets mêmes, tantôt avec un léger changement, comme de Bellum, guerre, ils ont fait Bellone, de Cunae, berceau, Cunina, de Segès, moisson, Segetia, de Pomum, fruit, Pomone, de Boves, Be, Bubona, et tantôt sans aucun changement, comme quand ils ont nommé Pecunia la déesse qui donne l'argent, sans penser toutefois que l'argent fût une divinité, et de même, Vertu la déesse qui donne la vertu, Onos, le dieu qui donne l'honneur, Concordia, la déesse qui donne la concorde, et Victoria, celle qui donne la victoire. Ainsi, disent-ils, quand on croit que la félicité est une déesse, on n'entend pas la félicité qu'on obtient, mais le principe divin qui la donne. Chapitre 25. On ne doit adorer qu'un dieu, qui est l'unique dispensateur de la félicité, comme le sentent ceux-là même qui ignorent son nom. Acceptons cette explication. Ce sera peut-être un moyen de persuader plus aisément ceux d'entre les païens qui n'ont pas le cœur tout à fait endurci. Si l'humaine faiblesse n'a pas laissé de reconnaître qu'un Dieu seul peut lui donner la félicité, si le sentiment de cette vérité animait en effet les adorateurs de cette multitude de divinités, à la tête desquelles ils plaçaient Jupiter. Si enfin, dans l'ignorance où ils étaient du principe qui dispense la félicité, ils se sont accordés à lui donner le nom de l'objet même de leur désir, je dis qu'ils ont assez montré par là que Jupiter était incapable, à leurs propres yeux, de procurer la félicité véritable, mais qu'il fallait l'attendre de cet autre principe qu'il croyait devoir honorer sous le nom même de félicité. Je conclus qu'en somme il croyait que la félicité est un don de quelque dieu qu'il ne connaissait pas. Qu'on le cherche donc ce dieu, qu'on l'adore, et cela suffit. Qu'on bannisse la troupe tumultueuse des démons, et que le vrai Dieu suffise à qui suffit la félicité. S'il se rencontre un homme, en effet, qui ne se contente pas d'obtenir la félicité en partage, je veux bien que celui-là ne se contente pas d'adorer le dispensateur de la félicité, mais quiconque ne demande autre chose que d'être heureux. Et en vérité peut-on porter plus loin ses désirs? Doit servir le Dieu à qui seul il appartient de donner le bonheur. Ce Dieu n'est pas celui qu'il nomme Jupiter, car s'il reconnaissait Jupiter pour le principe de la félicité, il ne chercherait pas, sous le nom de félicité, un autre Dieu ou une autre déesse qui pût le leur assurer. Il ne mêlerait pas d'ailleurs au culte du roi des dieux les plus sanglants outrages, et n'adorerait pas en lui l'époux adultère, le ravisseur et l'amant impudique d'un bel enfant. Markendanarchive.org, 2019, d'après abbaye-saint-benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.